et arrêtez-les, car ils doivent être interrogés. ما لكم لا تناصرون Pourquoi ne vous portez-vous pas secours mutuellement بل هم اليوم مستسلمون Mais ce jour-là, ils seront complètement soumis. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Et les uns se tourneront vers les autres, s'interrogeant mutuellement. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. Ils diront, c'est vous qui nous forciez à la mécréance. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. C'est vous plutôt, diront les chefs, qui ne vouliez pas croire. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. Et nous n'avions aucun pouvoir sur vous, c'est vous plutôt qui étiez des gens transgresseurs. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. La parole de notre Seigneur s'est donc réalisée contre nous. Certes, nous allons goûter au châtiment. فأغويناكم إنا كنا غاوين. Nous vous avons induit en erreur, car en vérité nous étions égarés nous-mêmes. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. Ce jour-là donc, ils seront tous associés dans le châtiment. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. Ainsi traitons-nous les criminels. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. Quand on leur disait point de divinité à part Allah, ils se gonflaient d'orgueil. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Et disaient, allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? بل جاء بالحق وصدق المرسلين. Il est plutôt venu avec la vérité et il a confirmé les messagers précédents. إنكم لذائق العذاب الأليم. Vous allez certes goûter au châtiment douloureux. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. Et vous ne serez rétribués que selon ce que vous œuvriez. إلا عباد الله المخلصين. Sauf les serviteurs élus d'Allah. Ceux-là auront une rétribution bien connue. Des fruits, et ils seront honorés. Dans les jardins du délice, على سرر متقابلين, sur des lits face à face, يطاف عليهم بكأس من معين, on fera circuler entre eux une coupe d'eau remplie à une source, بيضاء لذة للشاربين. Blanche, savoureuse à boire. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. Elle n'offusquera point leur raison et ne les enivrera pas. وعندهم قاصرات الطرف عين. Et ils auront auprès d'eux des belles aux grands yeux, au regard chaste. كأنهن بيض مكنون.